Fausse règle de l'excuse de l'ignorance pour celui qui adore un autre qu'Allah et se prétend musulman. Définition de la thèse. Ils disent que lorsqu'un homme dit qu'il est musulman, mais qu'il voue un culte à un autre qu'Allah, cherchant par la protection ou l'aide ou le secours ou la bénédiction de la part d'un autre qu'Allah, et que cet homme vit dans une situation où il est incapable de savoir qu'Allah a interdit de commettre cela, alors cette personne reste musulmane jusqu'à ce qu'on lui apporte la preuve que ce qu'il fait est illicite. Et s'il continue après ça, c'est là qu'il sort de l'islam. Cette thèse est appuyée par beaucoup de contemporains qui ont contredit la religion de tous les musulmans à ce sujet. On trouve par exemple dans le livre « Les règles du takfir d'un individu précis » de Abdullah ibn Abdelaziz al-Jibrin, page 45. Il peut arriver que le musulman commette certains types de mécréances ou de shirk majeurs, de grand polythéisme, dont les preuves légales indiquent qu'il exclut son auteur de la religion et au sujet desquels les hommes de science disent « quiconque commet cet acte a mécru ». Toutefois, ce musulman précis peut ne pas être jugé musulman parce qu'il manque l'une des conditions qui permettent de le juger ainsi ou qu'il existe un obstacle à cela. Puis il évoqua comme condition à ça, il faut qu'il soit au courant du caractère illicite de cet acte impie. La réponse à cette thèse, premièrement, la définition d'un musulman, c'est celui qui adopte l'islam. Le musulman n'est nommé musulman qu'en vertu de l'islam qu'il exprime. Le minimum de l'islam, c'est rompre avec le tarout qui désigne tout autre dieu qu'Allah et adorer Allah uniquement d'après l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait objet d'unanimité. Les conditions pour pouvoir être musulman sont donc 1. Avoir foi qu'Allah est l'unique Seigneur, Créateur, Pourvoyeur, Maître de l'univers et Législateur, et qu'il possède les pouvoirs et les facultés supérieures à toutes les créatures, qui font de lui l'être qui mérite vraiment d'être adoré en dehors de tout autre, comme la vue parfaite, l'audition parfaite, la connaissance parfaite, la justice parfaite, la puissance parfaite, etc. 2. Avoir foi qu'Allah est le seul qui puisse répondre aux demandes de subsistance, de bénédiction, de secours, lors des détresses, lorsqu'aucun être n'est présent pour l'aider physiquement, etc. Ce qu'on appelle la divinité d'Allah. 3. Avoir foi qu'Allah est unique, qu'aucune créature n'est égale à lui, ni encore moins supérieure à lui, quel que soit l'aspect de son être. 4. Ne vouer aucun acte d'adoration, ni aucun culte à un autre qu'Allah, car ceci invaliderait totalement toutes les conditions précitées. Ainsi, nous demandons aux adeptes de cette thèse, est-ce que le fait de savoir qu'Allah existe et qu'il a créé les cieux et la terre et les hommes est nécessaire pour pouvoir être musulman, oui ou non? Si vous dites non, alors voilà que nous aurions, d'après vous, un musulman qui ignore qu'Allah est son Seigneur et qu'il a créé le monde dans lequel il vit. Et si vous vous accordez avec nous pour dire qu'il faut un minimum de savoir qu'Allah existe et qu'il a créé les cieux et la terre pour être un musulman, et qu'ignorer ce fait empêche dès le départ d'entrer dans l'islam. Nous vous demandons maintenant, est-ce que connaître ceci est suffisant pour être musulman? Si par exemple il sait qu'Allah existe et qu'il crée le ciel et la terre, mais il pense par contre que la lune et le soleil sont créés par un autre que lui, serait-il musulman? Ou bien est-il nécessaire de savoir qu'Allah est le seul et unique créateur? Si vous admettez qu'il n'est pas possible d'être un musulman tant qu'on ignore qu'Allah est l'unique créateur des cieux et de la terre, nous vous demandons, est-ce suffisant de savoir cela pour être musulman? Si vous dites oui, nous vous disons, d'après vous, les païens arabes, adorateurs d'idoles, étaient des musulmans, vu qu'ils attestaient qu'Allah est le seul unique créateur des cieux et de la terre, et qu'Allah est le seul qui donne la vie et la mort. Allah a dit, « Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils diront à Allah, dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, il appartient à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites, si vous le savez, ils diront Allah. Dis, comment? Donc, se fait-il que vous soyez ensorcelé au point de ne pas croire en lui? Et il dit, dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue et qui fait sortir le vivant du mort? Et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Nous vous demandons donc, est-il possible d'être musulman alors qu'on ne sait pas si Allah est le seul qui mérite qu'on l'invoque pour lui demander d'exaucer les prières, de répondre aux souhaits, et qui mérite qu'on se rapproche de lui en lui offrant des sacrifices afin d'obtenir en retour la bénédiction, la guérison et la protection contre le mal? Si vous dites qu'il n'est pas nécessaire de savoir ça pour être musulman, alors vous aurez exclu le témoignage « Il n'y a de vrai Dieu si ce n'est Allah », des conditions de l'islam. Et ceci prouve votre propre mécréance en l'islam, car nul musulman ne diverge sur le fait que l'islam, c'est le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Si vous dites « Celui qui se dit musulman et prononce le témoignage qu'il n'y a de mérite digne de vraie adoration qu'Allah devient musulman par là même s'il ignore ce que signifie ce témoignage », nous vous répondons que ceci contredit l'unanimité des musulmans, qui sont tous d'accord pour dire que lorsqu'un homme dit « il n'y a de vrai Dieu qu'Allah », sans qu'il ne comprenne quoi que ce soit de ce qu'il vient de dire, il ne peut croire en ce qu'il dit, puisqu'à la base, il ne sait même pas ce qu'il dit. Ibn Hazm dit « Thème, Abu Muhammad qu'Allah agrédit, la première chose qui incombe à tout un chacun, et sans lequel l'islam ne peut être valable. » C'est que l'homme sache de son cœur, d'une connaissance certaine et d'une pureté absolue sans la moindre trace d'un doute, et qu'il prononce de sa langue qu'il n'y a fatalement de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Et la preuve de cela est, d'après Abu Hurayra, d'après le messager alayhi salam a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et qu'ils aient foi en moi et en ce que j'ai apporté. S'ils font cela, leur sang et leurs biens sont préservés, sauf pour un droit de l'islam. Et leur compte sera rendu par Allah. Et ce hadith fut relaté dans le même sens par Mu'ad, Ibn Abbas et d'autres. Et Allah a dit, quiconque désire autre chose que l'islam pour religion, cela ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et ceci est l'avis des compagnons et de tous les musulmans. Et Sulayman Ibn Abdullah et le Shir dit, celui qui témoigne qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, c'est-à-dire celui qui prononce cette parole en connaissant ce qu'elle signifie et en agissant en conséquence, tant dans son cœur que de son corps, comme le prouve le verset, sache qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, et le verset, sauf ceux qui ont témoigné de la vérité alors qu'ils savent. Quant au fait de prononcer cette parole sans connaître ce qu'elle signifie, ni agir en conséquence, cela ne sert à rien, et ceci à l'unanimité. Shir Abdelrahman ibn Hassan al-Shir dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la parole du monothéisme, il n'y a de vraie divinité qu'Allah, ne bénéficiera à celui qui la prononce qu'à condition qu'il sache ce qu'elle veut dire. Contester la divinité de tout autre qu'Allah et désavouer l'adoration d'un autre qu'Allah et n'adorer qu'Allah uniquement par toute forme d'adoration. » L'imam Mohammed ibn Abdelwahab a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que cette parole est celle qui sépare l'islam et la mécréance. C'est la parole de piété, l'anse la plus solide, la parole dont Ibrahim fit une parole perpétuelle dans sa descendance. Le but n'est pas de la prononcer de la langue en ignorant le sens, vu que les hypocrites la prononcent bien de la langue, et pourtant sont au plus bas fond de l'enfer, en dessous des mécréants, malgré qu'ils prient et font la charité. Le but, c'est de la prononcer tout en la comprenant dans le cœur et en l'aimant et en aimant ses adeptes et en détestant et en s'opposant à ceux qui s'y opposent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah en toute pureté et dans une version d'une pureté émanant de son cœur et dans une version sincèrement de son cœur. » Et dans un autre hadith, « Quiconque dit qu'il n'y a de divinité qu'Allah et désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son compte sera réglé par Allah », rapporté par Muslim. Et il y a encore d'autres hadiths qui nous montrent tous l'ignorance de la plupart des gens sur cette parole. Et il dit, quant aux autres points, comme quoi je dis que l'islam d'un homme n'est pas valide tant qu'il ne sait pas ce que veut dire « la ilaha illallah » et que j'enseigne le sens de cette parole à quiconque me rejoint. Et aussi que je dis que le Dieu est celui en qui on pense qu'il y a une force occulte, et que je fais le tekfir de celui qui fait un vœu par lequel il se rapproche d'un autre qu'Allah, ou que celui qui offre un sacrifice à un démon est un mécréant, et que la viande de la bête sacrifiée est illicite, même s'il prononce le nom d'Allah en offrant ce sacrifice à ce démon. Ces cinq points sont tous vrais, et je suis de cet avis. Lorsque je dis que le Dieu est l'être en qui on pense qu'il y a une force occulte, c'est parce qu'il est bien connu que les langages changent. Or, il se fait que l'adorer est ce que visaient les Arabes par le mot « Dieu » est exactement ce que vise la populace aujourd'hui par le mot « Sayyid » ou « Sheikh », ainsi que ce qu'ils prétendent posséder, un pouvoir occulte. Ainsi, ce que les anciens arabes appelaient « Uluhiya » est exactement ce que la populace aujourd'hui appelle l'occulte. Car l'occulte, selon eux, est le pouvoir d'apporter le bien et le mal. Et ce qui fait qu'il est utile qu'il soit invoqué, espéré, craint et que l'on s'en remette à lui. Et il dit, certes, le biais par lequel l'homme entre dans l'islam, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité, c'est-à-dire qu'il n'adore rien d'autre qu'Allah, ni un ange proche d'Allah, ni un prophète envoyé par lui. Ceci, car le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, fut envoyé alors que les païens adoraient des choses avec Allah. En effet, certains adoraient les idoles, d'autres invoquaient Issa, d'autres invoquaient les anges. Et il leur interdit cela et les informa qu'Allah l'a envoyé afin qu'il soit adoré, lui uniquement, et que personne d'autre que lui ne soit invoqué, que cela soit les anges ou les prophètes. Et donc celui qui se conforme à son enseignement et unifie Allah, c'est lui qui a attesté « La ilaha illallah ». Et celui qui lui désobéit et invoque Issa et les anges et leur implore l'aide et se refuge vers eux, celui-là a rejeté « La ilaha illallah » malgré qu'il reconnaît que nul ne crée ni ne subvient d'autre d'Allah. Et ceci est une phrase qui mérite plus longue recherche, mais le fait est que c'est un point sur lequel tous les savants sont unanimes. Ainsi, lorsque ces gens prétendent que prononcer « La ilaha illallah » suffit pour être musulman, même si on ignore la signification et qu'on adore un autre qu'Allah, cela revient à dire que le témoignage « La ilaha illallah » est simplement en amas de lettres et de sons prononcés par la langue qui n'ont aucun sens, ou plutôt, qui n'ont pas besoin de sens pour servir à quelque chose. Et cet avis contredit la religion de l'islam. L'imam muslim rapporte dans son sahih. D'après Uthman, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque meurt et sait qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, il entre au paradis. » Ce hadith indique par implication que celui qui meurt sans savoir qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, il n'entrera pas au paradis. Et nous avons déjà noté l'unanimité des savants à ce sujet. L'ambiguïté. Le musulman qui donne un associé à Allah ne sort pas de l'islam s'il ignore que cela contredit la religion de l'islam. Quant à sa prétention que celui qui donne un associé à Allah ne sort pas de l'islam, tant qu'il n'est pas mis au courant que son acte est illicite, nous répondons avec les paroles des gens de science à ce sujet. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Cheikh dit « Et les savants, puisse Allah leur faire miséricorde, ont emprunté la procédure de la droiture et ont évoqué le chapitre de l'apostasie. Et absolument aucun d'entre eux n'a dit que lorsqu'un homme dit de la mécréance ou bien commet de la mécréance sans savoir que cela contredit les deux témoignages de la foi, ne devient pas mécréant pour son ignorance. Alors que celui qui ose prétendre qu'un seul savant digne de ce nom dans l'histoire de l'islam, avant que ne viennent les contemporains, est déjà dit que celui qui donne un associé à Allah ou qu'il s'oppose à la signification du témoignage « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » ne sort pas de l'islam tant qu'il ne sait pas que ce qu'il fait contredit les deux témoignages. Qu'il nous en apporte la preuve s'il est véridique.